Chant numéro 33. Toi, la Vierge et la Mère, et fille de ton Fils, humble et haute au-delà de toute créature, terme prédestiné du dessein éternel, tu rendis sa noblesse lui-même nature, puisque c'est grâce à toi que son auteur lui-même a daigné devenir sa propre créature. Et ce fut dans ton sein qu'a repris feu l'amour à la chaleur duquel, dans la paix éternelle, a pu s'épanouir cette fleur que voici. C'est toi, de notre amour flambeau méridien, ici haut et sur terre, au monde des mortels, c'est toi la source vive où jaillit l'espérance. Femme, tu fus si grande et ta puissance est telle que qui veut une grâce et n'accourt pas vers toi, veut que son désir vole et lui refuse l'aile. Ta bonté rejaillit en faveur de celui qui t'appelle au secours et prévient bien souvent et libéralement la demande qui tarde. En toi miséricorde et en toi la pitié, en toi magnificence, en toi se réunit tout ce que le Créé possède de bonheur. Voici que celui-ci, du plus profond abîme, l'univers, venant jusqu'à notre sommet, a connu tour à tour les âmes et leur vie. Il implore à présent de ta grâce la force de pouvoir élever ses yeux encore plus haut, afin de contempler le suprême salut. Et moi, qui n'ai jamais désiré pour mes yeux plus fort que pour les siens, je t'offre mes prières, te suppliant aussi de vouloir m'écouter, pour que par l'oraison, tu dissipes toi-même tout le brouillard qu'il tient de sa forme mortelle et qui brille à ses yeux le suprême bonheur. Et je t'implore encore, ô reine, car tu peux ce que tu veux, qu'il garde, après un tel spectacle, les mêmes sentiments immuables et purs. De son cœur trop humain, que ta garde triomphe. Regarde Béatrice et tous ces bienheureux qui soutiennent mes vœux avec leurs deux mains jointes. Les yeux que Dieu chérit et vénère à la fois se fixèrent alors sur l'orateur, montrant combien ils ont en gré les prières dévotes. Puis ils furent chercher la lumière éternelle, où l'on se tromperait, pensant que l'œil mortel pourrait s'aventurer avec tant d'assurance. Et moi, qui m'approchais du terme de mes vœux, je sentis tout à coup, comme on doit le sentir, s'éteindre dans mon sein l'ardeur de mon désir. Bernard, en souriant, me montrait par des signes qu'il fallait regarder vers le haut, mais déjà j'étais, par moi tout seul, tel qu'il m'avait voulu, puisque par le regard de plus en plus limpide, j'entrais de plus en plus dans le bain de lumière, de la clarté suprême où vit la vérité. À partir de ce point, ce que j'ai vu dépasse le pouvoir d'exprimer, qui cède à ce tableau, et la mémoire aussi cède à tout cet excès. Comme un homme qui voit des objets dans un songe, et en se réveillant ne garde dans l'esprit que les impressions, et les détails s'effacent, tel je suis maintenant. Ma vision s'estompe jusqu'à s'évanouir, mais il m'en reste encore dans le cœur la douceur que je sentais alors. tels sous le soleil disparaissent les neiges, tels le vent emportait sur des frêles feuillets les vers mystérieux qu'écrivait la Sibylle. Ô suprême clarté qui t'élève si haut au-dessus des concepts des hommes, prête encore au souvenir l'éclat que je t'ai vu là-haut, et raffermis aussi ma langue par trop faible, que je puisse léguer à la gent à venir de toute ta splendeur au moins une étincelle. Puisque si tu reviens un peu dans ma mémoire, et si tu retentis tant soit peu dans mes vers, on ne saurait y voir que ton propre triomphe. Je crois, tant était fort le rayon pénétrant que j'ai dû soutenir, que j'aurais pu me perdre si j'avais détourné mes yeux de son éclat. Ce fut, je m'en souviens, cela qui m'enhardit à soutenir sa vue, et la force infinie qui se fondait en elle et ne faisait plus qu'un. Ô grâce généreuse, où j'ai pris le courage de plonger mon regard dans la clarté suprême, jusqu'au point d'épuiser la faculté de voir. Dans cette profondeur, j'ai vu se rencontrer et amoureusement former en un seul volume tous les feuillets épars dont l'univers est fait. Substance, accident et mode y paraissent couler au même moule et si parfaitement que ce que j'en puis dire est un pâle reflet. Et je crois avoir vu la forme universelle de l'unique faisceau, puisque tant plus j'en parle, plus je sens le bonheur qui me chauffe le cœur. Ce seul point fut pour moi la source d'un oubli bien plus grand que 25 siècles pour l'entreprise où l'ombre de la grosse intimidait Neptune. C'est ainsi que l'esprit qui restait en suspens regardait fixement, immobile, attentif. Et son désir de voir ne pouvait s'assouvir. Tel est le résultat produit par sa lumière, qu'on n'imagine pas qu'on pourrait consentir à le quitter des yeux pour quelque autre raison, puisqu'en effet, le bien, objet de nos désirs, s'y trouve tout entier. Et tout ce qui s'y trouve, étant parfait en elle, étant parfait dehors. Désormais, mon discours, pour ceux dont j'ai mémoire, sera plus pauvre encore que celui d'un enfant dont le lait maternel mouille toujours la langue. Ce n'est pas que l'on vit dans le vivant éclat que j'admirais là-haut, plus qu'une simple image, car il est toujours tel qu'il a toujours été. Mais comme de mes yeux, pendant qu'il regardait, la force s'augmentait, mon propre changement modifiait aussi cet aspect uniforme. Dans la substance claire et à la fois profonde de l'insigne clarté, m'apparaissaient trois cercles, formés de trois couleurs et d'égale grandeur. Et l'un d'eux paraissait être l'effet de l'autre, comme l'iris est de l'iris, tandis que le troisième jaillissait comme un feu des deux en même temps. Ah, que ma langue est faible et revêt lâchement mon idée! Et combien auprès de ce spectacle, celle-ci reste pauvre et semble moins que peu. Éternelle clarté, qui siège en toi-même, qui seul te comprend, et qui, te comprenant, est comprise à la fois, t'aime et te sourit. Lorsque j'eus observé quelque peu du regard ces cercles assemblés, qui paraissait conçu en toi-même, à l'instar des rayons réfléchis, je pensais retrouver tout à coup dans leur sein, de la même couleur, une figure humaine. C'est pourquoi mon regard s'y fondit tout entier. comme le géomètre applique autant qu'il peut à mesurer le cercle son savoir, sans trouver, malgré tous ses efforts, la base qui lui manque, tel, devant ce tableau, j'étais resté moi-même. Je voulais observer comment s'unit au cercle l'image et de quel mode elle s'était logée. Mais j'étais hors d'état de voler aussi haut, quand soudain mon esprit ressentit comme un choc, un éclair qui venait combler tous mes désirs. L'imagination perdit ici ses forces. Mais déjà, mon envie, avec ma volonté, tournait comme une roue aux ordres de l'amour qui pousse le soleil et les autres étoiles.